À Eugène, vicomte Hugo. De 18 mois, l'aîné de Victor, Eugène Hugo, frappé de folie depuis 15 ans, mourut à 37 ans le 20 février 1837. Doux et blond compagnon de toute mon enfance, oh, dis-moi maintenant, frère marqué d'avance pour un morne avenir, maintenant que la mort a rallumé ta flamme, maintenant que la mort a réveillé ton âme, tu dois te souvenir. Tu dois te souvenir de nos jeunes années, quand les flots transparents de nos deux destinées se côtoyaient encore, lorsque Napoléon flamboyait comme un phare, et qu'enfant, nous prêtions l'oreille à sa fanfare comme une meute au corps. Tu dois te souvenir des vertes feuillantines et de la grande allée où nos voix enfantines, nos purs gazouillements, ont laissé, dans les coins des murs, dans les fontaines, dans les nids des oiseaux et dans le creux des chênes, tant d'échos si charmants. Ô temps, jour radieux, aube trop tôt ravie, pourquoi Dieu met-il donc le meilleur de la vie tout au commencement? Nous naissions, on eût dit que le vieux monastère, pour nous voir rayonner, ouvrait avec mystère son doux regard dormant. T'en souviens-tu, mon frère? Après l'heure d'étude, oh, comme nous courions dans cette solitude! Sous les arbres, blottis, nous avions, en chassant quelque insecte qui saute, l'herbe jusqu'aux genoux, car l'herbe était bien haute, nos genoux bien petits.